Intégrer sa vibration dans la parole et l'action. Partie 1 de 2. Avertissement, par rapport aux propos tenus dans le cadre de cet enregistrement, je ne demande pas de croire ce qui est dit, mais plutôt de vérifier par vous-même si cela est réel avec votre ressenti ou votre intellect. Bonne écoute! Écoutez des enregistrements où est manifestée l'expression d'une parole vibratoire par des conférenciers, c'est bien, mais intégrer sa propre vibration, c'est mieux pour ceux, bien sûr, qui sont concernés par ce processus. Donc, s'il y a des gens que ça leur dit à l'intérieur d'eux qu'il est temps pour eux d'intégrer leur propre vibration à travers la parole et qui ont la sensibilité pour faire ça, ça peut être intelligent de le faire. Bien sûr, ça ne s'adresse pas nécessairement à tout le monde parce que ça prend l'ouverture du centre de perception psychique pour être capable de percevoir la présence de l'esprit, de la vibration, et ensuite de l'exprimer à voix haute. Parce que si on ne perçoit pas la vibration, eh bien, on ne peut pas l'exprimer à voix haute naturellement. Là. Donc, si la personne ne vit pas cette ouverture et n'est pas en contact avec l'esprit, c'est sûr que ça ne marchera pas. Donc, il faut que la personne vive le contact avec l'esprit, et comme c'est l'esprit qui détermine le moment auquel il va entrer en contact avec un être humain, eh bien, le moment où ce que l'ego est branché sur l'esprit n'est pas déterminé par l'ego, mais par l'esprit. Donc, si la personne est branchée avec l'esprit et que ça lui parle intérieurement, eh bien là, elle doit apprendre à gérer adéquatement cette communication interne, et à ce moment-là, de développer la parole vibratoire devient quelque chose de pertinent. Donc, quelqu'un peut écouter des enregistrements ou assister à des conférences portant sur la conscience vibratoire pendant 5 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans pour l'aider dans sa vie de tous les jours à recentrer son ego, restabiliser lorsqu'elle vit des chocs émotionnels, donc rééquilibrer l'ego en se branchant sur la vibration de l'esprit. Lorsqu'elle est déstabilisée par des événements, ça peut être la perte d'un être cher, des emplois, etc. Donc, elle peut utiliser le contact avec des enregistrements ou le fait d'assister à des conférences pour ça. Mais si elle ne développe pas sa capacité de canaliser par elle-même son savoir de nature vibratoire, elle reste dépendante d'autrui. Et elle reste toujours dépendante de celui qui a intégré sa propre parole parce qu'elle n'est pas capable de manifester la sienne. Lire la vibration mentale d'un autre et s'y ressourcer, c'est bien, ça peut être utile temporairement, mais ça ne doit pas être un style de vie. Et ce n'est pas suffisant, car cela ne rend pas autonome la personne et ne lui permet pas de finaliser le processus d'individuation de sa conscience qui implique l'intégration de son esprit. Parce qu'il faut être capable d'émettre par soi-même et pour soi-même une parole vibratoire pour être bien dans sa peau et intégrer éventuellement totalement l'énergie de son propre esprit. L'intégration de sa vibration, ça me fait penser un petit peu à la célèbre parabole du pêcheur. C'est-à-dire que quelqu'un, par exemple, peut recevoir d'un pêcheur un poisson et cela va le nourrir pendant une journée. Mais si le pêcheur, au lieu de lui donner un poisson qu'il nourrit temporairement, lui enseigne à savoir comment aller pêcher par elle-même le poisson, eh bien, à ce moment-là, la personne va être autonome et pour le reste de sa vie, va être en mesure de pêcher par elle-même le poisson qu'elle a de besoin pour s'alimenter et se nourrir. Et par rapport au développement de la parole vibratoire, c'est le même processus qui s'applique, c'est-à-dire que quelqu'un qui développe la capacité de canaliser une vibration, il peut répondre à une question d'une personne qui vise à se conscientiser. Par exemple, de lui expliquer en quoi consiste le principe de la volonté si elle s'interroge à ce sujet. Donc, ça peut le nourrir temporairement à partir de la réponse, un peu comme l'individu qui nourrit temporairement lorsqu'on lui donne un poisson. Par contre, si la personne qui développe une parole vibratoire l'enseigne à une autre personne, que ce soit en personne ou à travers un enregistrement, et que l'autre développe la capacité d'elle-même à aller chercher les réponses aux questions qui lui viennent en tête, eh bien, elle devient autonome pour le reste de sa vie, au même titre que le pêcheur qui développe la capacité par lui-même d'aller pêcher le poisson. Donc, autrement dit, la personne qui développe une parole vibratoire, si elle ne veut pas créer de dépendance à l'égard de gens de son entourage ou de gens qui l'écoutent, qui lui posent des questions, peut enseigner à ces gens-là la capacité à développer eux-mêmes leur parole vibratoire pour qu'une fois que cette personne-là ne sera plus nécessairement intéressée à répondre à des questions, qu'à ce moment-là, les autres soient en mesure de prendre leur relais et de répondre eux-mêmes aux questions et comme ça, ces gens-là soient autonomes. Donc, pour développer la parole vibratoire et aussi l'action vibratoire qui est en lien avec ça, eh bien, dans un premier temps, bon, par rapport à la parole, la personne vit un processus de conscientisation et qui ressent intérieurement qu'il y a la vibration de faire ça. Donc, cette personne-là peut produire des enregistrements pour s'entraîner à canaliser la vibration de l'esprit. Donc, produire des enregistrements aujourd'hui, à l'époque présente, ça devient facile. Beaucoup de gens ont accès sur leur ordinateur personnel à un logiciel d'enregistrement. Donc, c'est tout simplement d'utiliser un micro, de parler dans le micro et de s'enregistrer pendant qu'on parle. C'est très simple. Mais pour faire cela, ça demande quand même de surmonter la peur de l'erreur, la peur de ne pas être aussi bon que des gens qui ont marqué le domaine de la canalisation supramentale comme Bernard de Montréal. Donc, si la personne se dit « Ah, si je parle, c'est pas aussi bon que lui, puis elle parle pas », c'est pas ce qui est idéal. Il faut que la personne soit capable de parler, même s'il est conscient qu'il y en a qui sont plus avancés que lui dans le processus, et c'est tout à fait normal. C'est un petit peu comme dans le domaine de la musique. Il y a des gens qui sont des virtuoses, il y en a qui sont très créatifs, qui écrivent des symphonies, et il y en a d'autres qui commencent à faire quelques notes. Mais c'est en y allant étape par étape. Donc, quelqu'un qui commence à être capable de jouer quelques notes avec son instrument et qui reste en action va avancer, à la différence de l'autre qui dit « Ah! » qui veut pas s'essayer à jouer de l'instrument parce qu'il a peur de pas être aussi bon que d'autres personnes. Et là, la peur devient une résistance et un obstacle au développement de sa parole vibratoire sous prétexte que si elle performe pas, eh bien, elle le fait pas. Et ça, c'est de l'ego qui embarque. C'est l'ego qui désire d'être bon tout de suite, qui se donne pas le droit à l'erreur, alors que l'individu qui se conscientise doit être indulgent avec lui-même, se donner le droit à l'erreur dans le processus de canalisation et toujours œuvrer pour une progression, et ça prendra le temps que ça prendra, parce que c'est au rythme de chacun. Quelqu'un peut passer 10 ans, quelqu'un d'autre 20 ans, 30 ans, pour développer une parole vibratoire. C'est propre à chacun. C'est en fonction d'où ce que la personne est, et c'est en fonction de sa capacité et son rythme de développement, sa vitesse de croisière. C'est un petit peu comme les autos ou les bateaux. Vous avez des véhicules qui se déplacent plus rapidement que d'autres, et ça leur appartient, ça fait partie de leur capacité. Et ainsi de suite, mais les gens ne doivent pas se comparer aux autres, mais plutôt d'agir pour eux-mêmes et de s'organiser pour être bien dans leur peau, parce que l'un des éléments qui indique que la parole qui est canalisée est de type vibratoire, c'est qu'ils se sentent bien dans leur peau lorsqu'ils la prononcent. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc, pour manifester la parole vibratoire, ça peut être un travail qui demande d'aller au-delà des doutes, de la réflexion, des résistances, de la peur de faire des erreurs et ainsi de suite. Par rapport à la réalisation d'enregistrement, eh bien, la personne peut s'exprimer sur un sujet qui éveille le questionnement. Par exemple, c'est quoi l'esprit? C'est quoi l'âme? C'est quoi le double éthérique? C'est quoi la fusion? Et ainsi de suite. Ou des sujets plus de type personnel pour régler des problématiques dans sa vie, peu importe. Et la personne peut réaliser un enregistrement. Ça peut durer 10 ou 15 minutes sur un sujet qui est canalisé. Et pour que ça soit canalisé, eh bien, il faut que la personne exprime à voix haute ce qui émerge à l'intérieur d'elle par rapport au sujet, comme elle peut le faire lorsqu'elle exécute une activité de remue-ménage. Et très important, sans réfléchir intellectuellement. Parce que si elle réfléchit intellectuellement, la parole devient une expression qui est liée strictement à l'ego, à l'intellect. C'est pas vibratoire. Donc, il faut que l'individu soit capable de parler sans que la parole soit l'expression de l'intellect. Et en parlant sans réfléchir, donc de manière spontanée, en disant tout ce qui vient spontanément par la tête, eh bien, ça amène la personne à entrer dans un état dans lequel la réflexion vient après l'action, c'est-à-dire la parole exprimée, et c'est là précisément que la parole vibratoire peut se manifester, mais ça demande à l'individu la capacité de faire face au vide. Faire face au vide, c'est pas évident, surtout en Occident, où les gens sont habitués de prendre la parole pour des exposés scolaires, entre autres, en s'appuyant sur un plan de présentation avec, par exemple, le point 1 qui va être abordé, le point 2, le point 3, le point 4. Avoir un plan, au début, ça peut être utile pour canaliser, ça peut donner des éléments pour s'appuyer, mais éventuellement, il faut que la personne soit capable de s'exprimer spontanément sans avoir de plan. Et ça demande la capacité de soutenir le vide, de ne pas sombrer dans l'insécurité par rapport au fait que de ne pas savoir qu'est-ce que la personne va dire après qu'elle va commencer à parler. Donc, être capable d'accepter le fait que ce qu'elle dit n'est pas écrit à l'avance, comme un discours qu'une personne va prononcer à une assemblée générale ou un discours politique, et que, à quelque part, la personne, il faut qu'elle improvise à mesure. Il faut qu'elle soit à l'aise avec le fait d'improviser sur la vibration. Et c'est pas évident. C'est un exercice qui peut être exigeant, mais qui peut être extrêmement dynamisant et vitalisant, d'où l'intérêt pour les gens qui ont la vibration de le faire. Donc, quand la personne canalise, il ne faut pas que l'intellect embarque pour répéter du matériel qu'elle a mémorisé, car sinon, elle est dans la répétition de mémoire ancienne et elle n'apporte rien de nouveau, parce que le propre de la manifestation de la parole vibratoire, c'est d'amener des informations nouvelles qui vont dynamiser l'individu dans son intégration psychique qui peut déboucher sur des actions concrètes dans sa vie, entre autres pour améliorer son sort. Donc, la parole vibratoire, c'est pas comme la parole qui est liée à l'expression de mémoire. C'est sûr que dans le domaine scolaire, beaucoup de gens, entre autres, qui ont reçu une éducation occidentale, ont subi un conditionnement scolaire où il y a une bonne réponse et des mauvaises réponses. Donc, l'idée de toujours chercher la bonne réponse en fonction de ce que la personne a appris garde toujours dans un processus l'individu où elle mémorise quelque chose et répète ce qu'elle a mémorisé. Et souvent, les gens qui ont vécu un conditionnement scolaire fort, un conditionnement scolaire qui a été très présent dans leur vie, sont habitués à chercher la bonne réponse. C'est quoi la bonne réponse? C'est quoi qui est vrai? C'est quoi qui est faux? Au lieu de canaliser tout simplement et de s'exprimer librement. Donc, il faut être capable d'aller au-delà du conditionnement scolaire qui nous invite à répéter des informations mémorisées pour tomber dans l'improvisation pure, et c'est vraiment un défi. La canalisation vibratoire, ça peut s'apparenter à la réalisation de rebut-ménage, ce que les gens en anglais appellent un brainstorming. Donc, c'est souvent les gens dans le domaine du marketing, de la publicité, qui vont faire ça. L'exercice étant très simple, la personne prend en note tout ce qui lui vient spontanément par rapport à un sujet. Donc, par exemple, on dit le mot bateau. Et là, quelqu'un va dire par libre association rouge, bateau avec moteur, rapide, accélération. Donc, tous les mots qui viennent en tête. Ça, c'est un exercice sans s'auto-censurer, parce qu'après ça, on analyse, la personne peut analyser les idées ou jeter un regard critique sur elle, mais après. Mais dans un premier temps, c'est un premier jet. Donc, c'est spontané, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Donc, la personne s'exprime sur un sujet. Après ça, si elle enregistre l'expression, au lieu de prendre des notes, bien, elle peut réécouter l'enregistrement. Elle a évalué qu'est-ce qui est ajusté ou non. Et pour la parole vibratoire, c'est la même chose. La personne peut prendre une parole où elle s'exprime dans le cadre d'un enregistrement sur un sujet, comme par exemple l'âme, elle parle, puis quand ça fait peut-être 10 ou 15 minutes, elle réécoute ce qu'elle a dit, et ensuite elle évalue si ce qu'elle a dit est réel ou non. Elle peut réajuster le tir, et en rajoutant des extraits à l'enregistrement pour corriger, ou en enlevant, si elle juge que c'est pas ajusté,